Vous avez le projet de lancer une entreprise, d'acquérir une compagnie ou encore de développer votre entreprise? La SADC Maria Chapdelaine est présente malgré la crise de la COVID-19. Notre équipe peut valider une occasion d'affaires, rechercher du financement d'entreprise ou même participer financièrement dans certains cas. Contactez-nous au 88-276-0405 ou le sadcmaria.qc.ca. La SADC Maria Chapdelaine est fière de souligner l'importance de la forêt pour la région dans le cadre du mois de l'arbre et de la forêt. Développement économique Canada pour les régions du Québec appuie financièrement la SADC Maria Chapdelaine. On va parler avec notre ami Roger Bullitt, c'est le commentaire sportif. Salut Roger. Bonjour Danny. Roger, avant, je veux te parler de mon chum Frédéric Degg. C'est un ami personnel, il a écrit un livre. Il y en a plusieurs des livres sur l'histoire des expos. Comment tu l'as trouvé celui-là? Ce que j'ai trouvé, le travail premièrement que Frédéric a fait. Et comme tu le mentionnais, c'est un passionné de baseball. Il a fait, c'est pas d'aujourd'hui qu'il travaille sur ce livre-là. Ouais. Et ça va bien. C'est un livre intéressant. C'est un livre qui nous permet de découvrir d'autres choses sur les expos que plusieurs jeunes ou des partisans ne connaissaient pas de cette histoire-là. Et même moi-même, j'ai appris des choses. C'est ça qui est le fun. Ouais. C'est le fun de voir jusqu'à quel point qu'il a pris le temps de respecter l'histoire et non pas écrire un nouveau livre d'histoire. Ah, c'est clair. Puis, tu sais, lui, il voulait faire quelque chose de différent des autres. Et je pense qu'il a réussi. Puis, je l'ai acheté, mais je ne l'ai pas encore lu. Mais on va se reparler certainement de ton expérience. Puisque lui, son but, c'était des expériences qu'on n'avait jamais entendu parler, puis ainsi de suite. Là. C'est surtout ça. Ouais. Et c'est pour ça que. Parce que quand tu parles d'expérience jamais vécue, c'est la réalité. Alors, c'est encore plus difficile à écrire parce que tu dois t'assurer que la personne qui te raconte cette histoire-là, que l'histoire est précise. Ouais, effectivement. Alors, c'est un travail encore plus acharné. OK. Roger, l'histoire qui a fait parler beaucoup cette semaine dans la Ligue nationale de hockey, c'est l'histoire de Tom Wilson. L'histoire également, bon, il y a eu 8-9 bagarres en début de match. Moi, je veux dire, c'est pas des matchs qui m'attirent parce qu'il y a des bagarres, là, comparativement. Il y a bien du monde qui disent on veut pas des bagarres, mais ils sont les premiers à l'écouter. Fait que, il y a beaucoup d'hypocrisie là-dedans, mais moi, c'est vrai que ça m'excite pas. Mais il me semble que c'est un œil au bord noir à la Ligue nationale, ça. Mais surtout la bataille lorsque le match est amorcé. Ouais. Moi, j'ai vécu l'époque que ça se battait. J'ai vécu l'époque, moi, du hockey senior à Jonquière, que je trouvais très excitant. Mm-hmm. Et j'ai vécu l'époque des Chiefs de Laval. Comprends? J'ai vécu l'hockey junior. J'ai pas su le Bollies, les Flyers de Philadelphie. Ouais, j'ai vécu ça aussi, tu sais, mais alors, est-ce que j'aimais ça? Je serais menteur de te dire que j'aimais pas ça à l'époque. Ben ouais. Mais par contre, c'est l'inverse aujourd'hui. Je pense qu'avec le temps, la vie change un peu ton raisonnement, ta ligne de pensée. Moi, ce que je trouve de valeur dans tout ça, et là, je vais te surprendre, c'est George Parros qui se fait maltraiter par tout le monde. Okay. Et je vais t'expliquer pourquoi. OK? René Angélil, il y avait son directeur des finances, vice-président, qui s'appelait André Delorme. Il est décédé. À chaque fois qu'on arrivait avec un projet à René, lui disait toujours, vous pouvez présenter ce que vous voulez à René Angélil, mais ça finit toujours sur mon bureau. Mm-hmm. Alors, dans le cas de George Parros, soyons logiques, ça a tombé sur le bureau de Daly et de Batman. Mm-hmm. Quand il y a pris cette décision-là. Alors, les grands responsables, c'est la Ligue. La Ligue dit, non, on n'a pas un mot à dire dans ça, je regrette, mais c'est pas vrai. Il n'y a pas un directeur, il n'y a pas un préfet de discipline dans n'importe quel sport qui peut suspendre un joueur pour un an ou suspendre un joueur pour 10 à 15, 20 matchs sans que ça soit approuvé par la Ligue et l'Association des joueurs. Ouais. Faut pas oublier ça. Alors, George Parros, c'est le bouc émissaire. C'est ça que je trouve de valeur. On s'en prend à lui, à un gars qui n'a pas le pouvoir, parce que le pouvoir décisionnel ne s'arrête pas à son bureau. Il s'arrête au bureau à côté. Oui, c'est sûr. Mais tu sais, est-ce que tu pensais que est-ce que Batman a dormi là-dessus aussi? Tu sais, dans le fond. Batman? Oui. Tu sais, je suis président d'une ligue de baseball junior, ouais. OK? OK. Et souvent, tu es mal pris avec des décisions parce que les arbitres ne rendent pas la bonne réglementation. Parce qu'avant de suspendre un joueur, ça te prend une réglementation qui te permet de le faire. Si les arbitres avaient eu le courage de lui donner une punition d'inconduite à cause de tentative de blessure, tout aurait changé. Ils ne l'ont pas fait. Oui, effectivement. Surtout que ça récidive. Et là, la Ligue ne peut. Et c'est, Il est là le problème. Ouais. Regarde, le match suivant, le gars donne un coup de bâton au visage du joueur. Immédiatement, lui, un match inconduit pour tentative de blessure. Ouais. Fait qu'il était suspendu. Non. C'est les arbitres qui n'ont pas appliqué le règlement. C'est les arbitres qui ont trouvé ça, que c'était pas si pire que ça. Ils sont là. On voit à un moment donné, Paris en train de frapper sur les joueurs. L'arbitre est juste à côté de lui. Et juste parce qu'il porte des manteaux jaunes orange, il n'empêche pas de le faire. Pourquoi tu ne salirais pas les mains? Oui, c'est sûr. Ce joueur-là peut être blessé de 100 jours parce que la photo, moi, qui me frappe le plus, c'est l'arbitre qui est à côté d'eux autres à peine un pied et qui ne bouge pas. Hey, s'il vous plaît, là, salis-toi les mains un peu. Oui. Es-tu surpris de moi, je trouve des grands, des grands responsables de ce qu'on a vécu, c'est le manque de jugement des arbitres. Si les arbitres avaient tout simplement appliqué le règlement à la lettre, lui donner des conduites pour tentative de blessure, tout change. Là, il peut lui donner 10 matchs, il peut lui donner 15 matchs, mais là, tu n'as aucune raison de le faire. Aucune raison. Il n'y a pas de réglementation qui te permet de le faire. C'est ça qui est choquant, et c'est ça qui est choquant pour tout le monde, mais c'est la réalité. Es-tu surpris de la décision des Rangers d'avoir congédié John Davidson et Jeff Gordon? Mais quand tu connais le propriétaire de l'équipe... C'est MSG. Mais celui qui est responsable, le président, présentement, regarde comment il gère les Knicks au basketball, tu vas comprendre comment il est. Ouais. D'abord, c'est lui qui a envoyé le communiqué des journaux. C'est lui qui a envoyé le communiqué qui disait aux gens, on vous promet, on va reconstruire l'équipe. Et là, ben, quand ça ne marche pas, qui soit blâmé, c'est les Gâteaux. Ouais. Les deux Gâteaux, c'est le directeur général ainsi que le président. Puis lui a profité de l'occasion pour faire ça. Ouais, c'est sûr. Il en a profité. Ouais, parce que John Davidson, c'est pas le gars à qui tu vas faire. Tu vas lui dire quoi faire. Par contre, tu regardes où tu es allé auparavant. Caroline et Saint-Louis n'ont pas été si pire que ça, c'est comme GM et comme président d'équipe. Deux points que je veux te parler, Roger. Je veux te parler des francophones. Demain, si Philippe Deneau ne joue pas, il n'y aura aucun francophone dans l'équipe du Canadien. Moi, je suis de l'ancienne théorie de Serge Savard qui. Et là, tu vas me voir venir. Là, qui dit, moi qui dis que les francophones avec le Canadien, c'est important. Les Alouettes, cette semaine, j'ai fait une entrevue avec Danny Machocha. Lui, il trouve ça important, les Alouettes et de l'aspect francophone. C'est pas une question nécessairement de politique. Rappelle-toi de Serge Savard. Lui, il dit, ça l'emmène une pression supplémentaire sur l'équipe. Quand un gars joue, il passe 12 mois par année au Québec, il comprend encore plus l'histoire du fait francophone et de l'importance de notre équipe. Et les Alouettes, c'est un peu ça aussi. Quand on parle de ça, les gens disent qu'il est dépassé, c'est plus ça. Moi, je crois encore à ça. Est-ce que toi, tu crois encore à ça, l'aspect francophone? Mais la faiblesse des Expos, c'est qu'on n'a pas signé assez de francophones. Ouais. Je vais t'en nommer deux, Russell Martin ainsi que... Éric Gagné. Un Denis Boucher. Oui, et Denis Boucher avant ça, qui a passé ailleurs avant de venir chez nous, et Éric Gagné. Ouais. Ça, c'est trois joueurs qui avaient une chance d'avoir. Imagine-toi, ces trois joueurs-là ensemble chez les Expos, ça change complètement. Ouais. Ça change complètement. Mais ça, moi, je dis toujours que tu dois signer toujours le meilleur joueur disponible. Mais il n'y a pas 23 meilleurs joueurs disponibles. À un moment donné, il y a un nombre de joueurs qui est là. Et ensuite de ça, il faut que tu regardes. Moi, je dis toujours, tu regardes le nombre de joueurs que tu as ratés au recrutement que tu aurais pu sélectionner. Parce qu'il y a des joueurs qui ont été sélectionnés avant toi et que tu n'as pas sélectionné. Fait que, tu sais, si tu regardes l'époque du Canadien qui gagnait avec Serge Savard, les joueurs clés n'étaient pas nécessairement des francophones, mais tu en avais beaucoup qui jouaient pour le Canadien, c'était important. Tu sais, dans ta région, là, l'équipe sportive locale, avec plus de joueurs qui viennent de ta région, c'est encore bien plus intéressant. C'est quand un sentiment d'appartenance, le gars envers l'équipe et ainsi de suite. Là. Fait que, tu sais, c'est important. Comme je dis, tes premiers choix de repêchage, jusqu'au troisième choix de repêchage, moi, je laisse ça aller. Mais les joueurs autonomes que tu rates, ça fait encore plus mal. Tu sais, Danny, un jour, tu prendras le temps de regarder les joueurs francophones non repêchés qui jouent dans la Ligue nationale. Ça fait mal. Oui, effectivement. Dernière question. Ça, pour moi, ça fait plus mal. Dernière question, Albert Pujol. Est-ce que c'est un des meilleurs joueurs de l'histoire, un des meilleurs joueurs de premier but de l'histoire? Est-ce que tu penses que sa carrière est terminée ou les Cards? Parce que je sais qu'il y a un mouvement à Saint-Louis là, de le ramener pour terminer la saison. Est-ce que tu penses que Pujol, sa carrière est terminée? Et est-ce qu'il va revenir avec les Cards au pire? Tu sais, le mouvement de ramener le joueur, ouais, c'est comme quand on a ramené Gary Carter. Ouais. C'est quand tu t'en vas nulle part. Mais quand tu t'en vas dans une course au championnat puis tu t'en vas dans les séries mondiales, tu peux pas ramener un joueur faire plaisir aux spectateurs. Surtout que tu es dans la Ligue nationale. Mais tu es dans les bandes majeures. Ouais. Alors lui va s'en venir, tu vas perdre un joueur de position. Mm. Et ouais. Si tu regardes ses statistiques cette année, je pense que ça démontre jusqu'à quel point que peut-être, tu vois, McGinn, là, c'est une décision qu'ils ont prise ensemble. Mm. Les Angels ainsi qu'Albert. Est-ce que les Cards vont le prendre? Si tu le prends, formidable, mais je vois pas un réveil de sa part. La seule façon que je le reprendrais, tu vas les jouer des mineurs un peu. Est-ce qu'il est prêt à les jouer au niveau 3? Ouais, c'est sûr. Est-ce qu'il est prêt? Je sais pas. Tu sais, c'est pour ça que des fois, les partisans, ils ont raison de vouloir voir tes joueurs qui reviennent chez toi. Mais par contre, avant de prendre une décision, tu vas regarder où est l'équipe. Donne l'exemple. C'est au mois de septembre. Mettons qu'il laisse partir au mois de septembre. Mm. OK? Et t'es à 12 parties de la tête. Il est à Albert. Mais ils sont toujours dans la course pour le premier rang. Oui. Puis tu peux pas, il peut pas jouer qu'au premier but. Il peut pas jouer plus qu'au premier but. Puis encore là. Puis comme préparateur de choix quand il a fait une équipe de la Ligue américaine. À part ça, il n'y a aucune utilité à Albert Pujols. Il n'y a pas beaucoup d'utilité présentement. Ouais, il n'y a pas beaucoup d'utilité. Ouais. Mais tu as une passion. Je compare ça au retour de Guy Lafleur. Mm. Oui. Hein? Guy Lafleur, c'est-tu normal qu'il ait joué ailleurs? Non. Mais Montréal n'en voulait pas. Ouais. Il est revenu et il vient jouer. Est-ce qu'Albert peut jouer aussi bien que Guy Lafleur son retour? Non. Non. Effectivement. Non, je pense pas. Je pense pas. On se reparle la semaine prochaine, Roger. Bye bye. Commentaire de Roger Boulet.